La Corée a fait paraître un nouveau timbre à l'occasion de la nouvelle année censée se déjeter 2017. Sur le timbre, on voit les mots « censée se déjeter 2017 » et « bonne année » avec à l'arrière-plan le palais des sciences et techniques couvert de neige.